théâtre de carton, jeudi 7 février 20h30 au centre socio-éducatif de Waterloo. Une pièce détonnante, très largement inspirée des mémoires de Pauline Carton par la compagnie Le Nouveau Comptoir. Billetterie 03 20 27 13 63 ou lavirgule.com. Concert électro-rock, samedi 9 février au Grand Mix de Tourcoing. Sur scène, les groupes Blackstrop pour la France, Crystal Castle du Canada ou encore Newts de Belgique. Infoline 03 20 70 10 00 ou plus d'infos sur legrandmix.com. Nouvelle création, Théâtre du Prato de Lille pour la période du 1er au 12 février. Loin d'être fini, une comédie funambule en 12 tableaux improbable. Réservation 03 20 52 71 24 ou leprato.fr. Exposition L'Affaire Seznec à découvrir du 1er au 15 février au centre socio-éducatif de Waterloo. Une exposition qui retrace l'histoire de Guillaume Seznec, son arrestation ou encore ses conditions de détention au bagne de Guyane. Entrée libre 03 20 75 85 86 ou sur le web ville-waterloo.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Bienvenue sur le Dance Floor de Galaxy. Dance Floor, Dance Floor, Galaxy, Galaxy, Galaxy avec Arnaud. Arnaud, Arnaud.

Galaxy avec Arnaud. Thank you. all shaking, hands all sweaty, and he could hardly speak. I might as well take a minute or two to put you onto some game. You got a boy like him, a man like me, and that's just not the same. And never mind an SMS, what you need is a sweet caress. Everybody wanna talk too much, but what you need is a special touch. Ooh, girl, wouldn't that feel right? A little bit of a candlelight. And really, when it comes down to it, pick a man that's down to fight. Sly sur Galaxy. Dirt, love you less and less, and less, and every day I love you less and less, and less, and less. Sur Galaxy. We'll be right back. lovemaker. Foxy. I wanna take you home. Foxy, foxy, foxy, foxy, foxy, foxy lady. You know you're a cute little heartbreaker. Foxy. You know you're a sweet little lovemaker. Foxy. I wanna take you home. Foxy. I won't do you no harm. No. You got to be all man. All man. Foxy, foxy, foxy, foxy, foxy, foxy, foxy lady. Okay.

Somatic.